le clampin dès 7h du matin. En retard pour aller au taffin, je mets le coltine pendant tout le chemin. On dirait que c'est fait exprès que la poisse me colle au pied. Aucun moyen de doubler, une ligne continue, c'est pas la chaussée. Je m'agrippe à mon volant, elle commence à grincer les dents. Une seule envie en ce moment serait de lui rentrer dedans. Je lui klaxonne, mets des gros coups d'accélérateur. S'il y a personne, tiens ça que je vais faire un malheur. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, tous ces crétins sur leur vélo. Une odeur de sang vient me chatouiller les naseaux. Je ne comprends pas, ils se sentent obligés de sortir tous les dimanches. Alors que je rentre d'Ottawa, j'en ai trois devant le nez, du trottoir jusqu'à la ligne blanche. Assis bougez de là, mais cassez-vous putain de votre race. Ne voyez-vous pas que vous prenez toute la place? Ah bah enfin, je pars bien m'en débarrasser quand j'aperçois au loin un pauvre vélo qui radit tiercé. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, tous ces crétins sur leur vélo. Une odeur de sang vient me chatouiller les naseaux. Oh, oh, oh, un cycliste, une triplex. Oh, oh, oh, ta chaîne de vélo jette la foudre dans ton dash. Pépé, mémé sont en âge car ça met de l'ambiance dans tout le village. Des kékés de 12 ans enfourchent leur VTT, le soulard transpirant en j'ai toujours pour pédaler. Avec leur bruit pitron, c'est leur dossard, un chaud de fluo. On se croirait avec des prides, avec les chars et les pubs à gondo. Si tu portes un casque, c'est pour pas qu'on te fracasse le crâne. La prochaine fois que tu passes, c'est coup de triplex, c'est coup de tatane. Pédale de cycliste, pédale de cycliste. Pédale de cycliste, pédale de cycliste, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale. Yeah, yeah, yeah. Qu'est-ce qu'ils ont son chien, tous ces crétins sur le vélo. Une odeur de sang vient me chatouiller les naseaux. Oh, oh, oh, un cycliste, une triplex. Oh, oh, ta chaîne de vélo jette la foudre dans ton derche. Jette la foudre dans ton dash. Un cycliste, une triplex.